Ben, tu sais pourquoi ces accords-là sont là. Ben, tu sais pourquoi. Tu sais pour qui tu sais. Toi, c'est pour toi, moi, pour toi, c'est pour toi quand t'étais là que j'avais trouvé ça. C'est pour toi, c'est pour toi, pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, moi, pour toi, c'est pour toi. Pour toi, moi, c'est pour toi, c'est pour toi. Pour toi, moi, c'est pour toi, c'est pour toi. Pour toi, moi, j'ai trouvé ça quand t'étais là. Ça fait bien longtemps, ça fait bien longtemps. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, mon